Chapitre 13e. La femme jalouse. Laissons un instant de côté la Fornarina et Raphaël, et Mama Lucia, et la rue des marchands de Chapelet, et celle du Bourg Neuf, et occupons-nous de cette femme que conseillent tous les démons de la jalousie. Antonio Vanozzi a rompu entièrement avec ses anciennes habitudes de solitude et de retraite. Camarade inséparable de Paolo, de Giacomo et de leurs amis, chaque jour il invente quelques nouveaux projets de dissipation et d'amusement. Et l'argent abonde comme par magie dans l'escarcelle des jeunes gens pour solder toutes ces folles dépenses de fêtes et de plaisirs. Les marchands viennent dans leur modeste hôtellerie les attendre avant le réveil pour obtenir d'eux des dessins, des statuettes, des tableaux faciles. Le jour suffit à peine au travail, mais on s'y livre avec ardeur, car la nuit est réservée à la distraction. Antonio et Paolo ne paraissent plus que rarement aux ateliers de Raphaël. Paolo travaille pour les marchands qui ne lésinent pas sur le prix. Antonio, lui, ne travaille pas. Reprenant les habits de son sexe, paré de toutes ses grâces, de sa beauté virile et puissante, elle fait des visites assidues à la rue des marchands de Chapelet. Elle a lié connaissance avec Mama Lucia, et profitant avec l'habileté et l'intelligence de la jalousie, de l'état affreux où se trouve la malheureuse femme, elle est devenue amie intime de la mère de la Fornarina. C'est à elle que Mama Lucia compte ses peines. C'est à elle qu'elle confie ses douleurs. C'est d'elle qu'elle attend des consolations que lui prodigue hypocritement la Vanozza. Elle a tout dit à cette femme, et son amour qui remonte aux premières peintures du Sanzio dans la sacristie du Dôme, à Sienne, et comment Raphaël a rencontré Stella sur la porte du Fornaro, et tout le trouble que cet amour a apporté dans sa maison. Antonia a su gagner adroitement toute la confiance de Mama Lucia, et c'est avec les informations que celle-ci lui prodigue que l'astucieuse femme prépare les moyens d'assurer sa vengeance jalouse. En quittant la rue des marchands de Chapelet, la Vanozza court à sa petite maison devant Saint-Jean-de-Latran. En un clin d'œil, elle se métamorphose de nouveau. Elle dépouille ses vêtements de femme et reprend la hâte ses habits de cavalier, afin d'être la première aux austériers du Tibre, où les compagnons ordinaires de ses nuits ne tarderont pas à la rejoindre. Et au milieu de cette vie si agitée, elle n'oublie jamais, ni auprès de Mama Lucia, ni auprès de ses camarades, ni quand elle feint de partager des douleurs dont elle jouit au fond de l'âme, ni quand elle paraît se livrer à tous les entraînements d'une fête qu'elle a su improviser, les soins de son amour méconnu et qu'elle a juré de faire triompher. Elle a formé un double plan et le rapproche de son exécution. Contrefaisant avec une habileté rare l'écriture d'un de ses amis puissants que Raphaël comptait dans toutes les villes italiennes, elle a fait remettre au peintre une lettre qui la recommande chaudement à ses pinceaux. Cette lettre la présente comme une noble dame vénitienne qui a tout quitté pour obtenir son portrait de la main du Sanzio. Dans quelques mots adroitement glissés aux dernières lignes, l'ami fait comprendre que la noble dame ne saurait mettre de borne à sa reconnaissance. À cette lettre était joint un billet d'une autre écriture toute féminine, et ce billet suppliait le grand artiste de dérober quelques instants à ses nombreuses occupations et de se rendre à l'invitation de la signora Fiuma, qui l'attendrait à sa maison de la place Antonine, le jour et l'heure qu'il plairait à Raphaël de choisir et d'indiquer lui-même. Raphaël ne pouvait refuser. Jamais, depuis les jours où Rome vit entrer dans ses murs la célèbre courtisane espagnole qui avait séduit Alexandre Borgia, jamais plus somptueuse demeure n'avait été préparée sur les bords du Tibre pour recevoir une femme. Prodiguant l'or avec une munificence royale, Antonia Vanozza, en quelques jours, avait merveilleusement préparé son palais de la place Antonine pour la visite qu'elle attendait. Les meubles somptueux, les riches dorures, les étoffes précieuses, les jardins pleins d'ombre et de parfums n'avaient rien coûté à cette femme dont l'impatience stimulait l'activité et le zèle des ouvriers et payait leur peine d'un sourire reconnaissant. En quelques jours, tout fut prêt. Au milieu de tout ce luxe, la Vanozza faisait rayonner sa merveilleuse beauté. Ôter la Fornarina de Rome, et nul n'aurait osé lui disputer le cœur du grand artiste qu'elle aimait. Comme elle l'avait prévu, Raphaël fit bon accueil au messager qui lui portait la lettre de son ami et celle de la signora Fiuma. Il promit de saisir au vol son premier loisir pour venir visiter la noble vénitienne et fit espérer que l'attente ne serait pas longue. Transportée à cette nouvelle, la Vanozza se crut déjà sûre du triomphe et dans sa joie, oubliant et sa visite quotidienne à la rue des marchands de Chapelet et ses compagnons des nuits, elle s'enferma dans son palais improvisé passant son temps à essayer les parures et les bijoux qui pouvaient rehausser sa beauté. Deux jours après, Raphaël se présentait à la place Antonine. Il faut être femme et avoir connu tous les tourments d'un amour qui n'est point partagé, pour comprendre, à l'annonce de cette visite, ce qui se passa dans l'âme d'Antonia Vanozza. Malgré les battements précipités de son cœur, elle courut au-devant du peintre, et saisissant ses mains avec une liberté toute italienne, elle les baisa avec transport. Son émotion était si forte que sa bouche ne put articuler une parole. Mais, prenant les devants, elle conduisit Raphaël à travers une longue file de galeries et de salles somptueuses, dans un boudoir retiré, où tout semblait avoir été préparé à souhait pour le charme des yeux et la récréation de l'esprit. Sur les tables et les coussins, des lits de repos, des livres, des dessins, des albums. Aux murailles, des tableaux, des maîtres renommés, et comme pour plaire spécialement à Raphaël, précisément des maîtres qu'il aimait. Dans les hautes frises, de gracieuses sculptures chargées d'arabesques capricieuses, et par la croisée ouverte, et en voyant dans l'intérieur tous les parfums du jardin, dans le lointain, les édifices en ruine de la campagne romaine. Une mandoline, négligemment abandonnée dans un coin et les cordes détendues, complétait l'ameublement de ce boudoir coquet comme la femme qui l'habitait, et indiquait qu'aucun des beaux-arts n'était étranger à cette Vénitienne, qui sans doute ne chantait plus les barcaroles de son pays depuis qu'elle avait entendu les airs chrétiens de Palestrina. Tout ce que voyait Raphaël, l'accueil qui lui était fait dans cette maison où il était venu par complaisance pour un ami et dans l'intention de peindre un portrait de femme, le surprenait, lui, l'artiste habitué à toutes les grandes choses, et que rien ne devait plus étonner. Ses regards allaient tour à tour de la Vanozza, dont l'œil s'humectait d'une flamme humide à ce boudoir délicieux, à ces grands arbres qui semblaient invités à la promenade aux grandes lignes des horizons lointains. Une terreur vague entrait dans son cœur, comme s'il eût craint l'approche d'un grand péril. Certes, il aimait trop la Fornarina, pour avoir rien à redouter de cette femme qui arrivait de Venise armée de toutes ses séductions. Et d'ailleurs, elle était trop loin de l'idéal de ses rêves pour que, dans ses pensées, il y en eût une seule d'amour. Mais vaguement, ses traits brunis par le soleil de l'Adriatique, ses grands yeux noirs qui semblaient le poursuivre et le percer d'outre en outre de leur regard long et velouté, cette abondante chevelure d'ébène qui tombait en boucles ondoyantes et soyeuses sur des épaules satinées d'ivoire mat, tout cela lui rappelait une femme entrevue dans une heure fatale et le pénétrait d'un sentiment pénible qu'il ne pouvait définir. Remise de son émotion première, la Vanozza se jeta nonchalamment sur les coussins d'un lit de repos et indiquant à ses côtés un siège à Raphaël, elle lui dit d'une voix qu'il s'efforçait de rendre à la fois ferme et caressante « J'étais bien importune avec vous, Seigneur Raphaël, mais que voulez-vous? Quand on n'a pas le bonheur de vivre à Rome habituellement, il faut se hâter si l'on veut emporter une œuvre de votre divin pinceau. » Le son de cette voix acheva de troubler l'artiste, car il la reconnaissait aussi à travers un voile, comme il avait reconnu les traits. Il se remit cependant avec une aisance qu'eût envie un gentilhomme. « Votre demande, répondit-il, appuyée de la prière d'un ami, n'a été nullement importune, madame. D'ailleurs, je comprends que vous ayez eu hâte de voir commencer votre portrait. Je suis accablé de travaux en ce moment. Notre Saint-Père, les églises de Rome, les cardinaux, les grands seigneurs, amis et protecteurs des arts, ne me laissent aucune trêve. Moi-même, je suis obligé d'aller très vite en besogne. Voulez-vous que nous commencions votre portrait aujourd'hui? Votre jour sera le mien, Seigneur Raphaël. Votre jour me conviendra. Il me suffit de votre parole. Saisissez donc sur l'heure l'occasion offerte, madame. Ne la laissez pas étourdiment échapper. Peut-être ne se présentera-t-elle plus. Voulez-vous commencer votre œuvre à l'instant? Je suis venu pour me mettre à vos ordres, madame, et dépend uniquement de votre bon plaisir. Faut-il que je prenne un autre costume, ou voulez-vous me peindre ainsi? Ce costume vous sied à ravir, et je ne vois pas pourquoi vous en changeriez. Peut-être ne serions-nous pas satisfaits. Alors je garde celui-ci. Je me placerai ainsi de face, mes yeux regardant les vôtres. Raphaël ne l'écoutait plus. Une toile était prête sur un chevalet. Il s'en était approché. Ses mains avaient saisi la palette et les pinceaux. Et avec une rapidité et une sûreté d'exécution dont lui seul avait le secret, d'un seul trait, il avait dessiné l'ovale pur de ce visage qu'il allait rendre immortel. Comme tous les artistes de génie, une fois l'œuvre commencée, Raphaël oubliait tout ce qui se passait autour de lui. En proie à la fièvre de la peinture, il ne vivait que par elle et n'avait pas un regard à donner aux mesquines passions qui pouvaient gronder à ses côtés. Il ne vit donc pas les regards de feu dont la Vanozza le couvrait pendant que, sous sa main puissante, la toile se couvrait de couleurs qui semblaient vivre et palpiter comme le modèle dont elles étaient l'image. Bien plus, cette flamme, dans ses grands yeux noirs, l'artiste la saisissait au bout de son pinceau, et celui-ci en illuminait tout le portrait, comme l'expression ordinaire de la Vénitienne. Après 2 heures de ce travail fébrile, Raphaël, fatigué, s'arrêta. Sa main lassée ne pouvait plus tenir le pinceau. Quand il regarda son œuvre, la même terreur vague, qui tantôt l'avait saisi, s'empara de lui, et une pâleur subite couvrit ses joues, comme s'il eût été près de défaillir. La Vanozza courut à lui, et prenant ses mains, elle le fit asseoir sur un lit de repos. Raphaël la regarda d'un œil suppliant et la pria de lui donner un verre d'eau. La Vanozza courut elle-même, et pendant qu'elle était dehors, Raphaël murmurait entre ses dents « Cette femme, où l'ai-je vue? Que me veut-elle ?» Et son esprit troublé cherchait en vain. Il ne pouvait trouver de réponse à ses interrogations. La Vanozza revint bientôt, tenant dans ses mains un plateau d'argent ciselé par quelques mules de Benvenuto Cellini, l'orfèvre merveilleux de cette grande époque. Sur ce plateau, avec une coupe de cristal, se trouvaient plusieurs flacons dans lesquels vieillissaient ces vins renommés que le Vésuve mûrit sur ses flancs en collaboration avec le soleil et que les Italiens appellent l'arme du Christ. « L'eau fraîche vous serait fatale, Seigneur Raphaël, » dit la Vanozza avec sa voix de sirène échappée des lagunes. « Quelques gouttes de Lacrima Christi vous ranimeront. Vous avez mis trop de feu dans votre travail. » Et joignant l'action à la parole, elle présenta à Raphaël la coupe de cristal pleine de ce vin généreux qui ferait revivre un mort, disent les Italiens. L'artiste y mouilla ses lèvres et les couleurs revinrent à ses joues. La Vanozza, reposant le plateau sur un guéridon, était devant son portrait et dans son admiration disait, comme si le peintre ne l'eût point entendu, « Mon Dieu, qu'elle doit être heureuse la femme qui est aimée de cet homme. » « Je n'en aime qu'une, madame, » répondit en se rapprochant Raphaël avec exaltation, « et celle-là n'est pas une femme de ce monde. »« Ah, Seigneur Raphaël, je ne pensais pas que vous écoutiez mes paroles, mais seriez-vous par hasard, comme on dit à Venise, senza amore ?»« Et serais-je peintre si j'étais sans amour ?»« Non, madame, j'aime une jeune fille que le ciel a créée tout exprès pour moi. C'est une étoile divine détachée du ciel. C'est la femme que j'ai longtemps rêvée, et que je ne pouvais trouver sur le sol italien. C'est la femme blonde qui m'était nécessaire pour prendre Psyché, Hélène, Galatée, toutes les beautés célèbres des temps anciens, dont les merveilleuses histoires prêtent des sujets charmants aux fresques de mes pinceaux. On voit que vous aimez la couleur blonde. Sans doute les Allemands doivent aimer les cheveux noirs. Et madame, que m'importent les Allemands? Il me fallait à moi une chevelure d'or avec des joues vermeilles, et des yeux bleus comme l'azur de notre mer ou du firmament. Voilà ce que m'a donné ma Stella. Et dire qu'après l'avoir si longtemps cherché en vain, je l'ai rencontrée par hasard. J'en remercie Dieu tous les jours. Et maintenant, toutes les autres femmes vous sont devenues indifférentes. Vos vierges et vos nymphes auront toutes des cheveux blonds. Qui sait, madame, si désormais, au contraire, je ne mêlerai pas les brunes aux blondes pour faire contraste. Oh, regardez, Seigneur Raphaël, dit la Vanozza en indiquant la peinture de l'artiste. Quel dommage c'eût été pour moi. « Si, parce que je ne suis pas blonde, vous m'aviez refusé mon portrait. » Raphaël, en suivant le doigt de la Vanozza, rencontra ses yeux humides qui semblaient le dévorer du regard. Il n'y avait pas à se tromper sur leur expression. C'était l'amour qui les allumait ainsi, l'amour dans toute sa fougue, dans toute sa furie indomptable. La Vanozza reprit. « Ainsi, Raphaël, tout votre amour est désormais à cette jeune fille blonde. Toutes les personnes qui vous aiment, et elles doivent être nombreuses en Italie, doivent s'humilier devant elle, se résigner et souffrir en silence. À elle seule et sans partage, tout le cœur, toute la passion, toutes les extases de ce peintre divin, comme il n'y en a pas un autre au monde. Non, Seigneur Raphaël, cela ne sera pas, cela ne sera pas. Ah, mon Dieu, madame, vous m'effrayez. Écoutez, Raphaël, si une femme jeune et belle, quittant tout pour vous, famille, parents, amis, richesse, venait, suppliante, se jeter à vos genoux et vous disait « Seigneur, je vous aime de tout l'amour que le cœur d'une femme peut ressentir. Seigneur, ayez pitié de moi. Dites, que feriez-vous? Je relèverai la suppliante. Et de ma voix la plus douce, je lui dirai que mon cœur appartient à Stella, que ma vie est à elle, et que désormais je ne puis en disposer. Voilà ce que vous feriez, dites-vous. Non, vous n'en auriez pas le courage. Croyez en ma parole, madame, j'agirai comme je vous le dis. Non, seigneur Raphaël, non, je ne vous crois pas. Mais pourquoi persistez-vous à me tenir à pareil langage ? Tenez, Raphaël, il faut que je vous le dise enfin, il faut que je parle. C'est moi qui suis cette femme, et je me jette à vos genoux. J'ai tout abandonné pour vous voir. Reconnaissez-moi maintenant. Je suis votre élève Antonio Banozzi. J'avais même dépouillé les habits de mon sexe pour être le plus humble et le plus assidu à Bolson. Un regard de vous, une parole, me plongeait dans des extases délicieuses. Et maintenant, dites, parce que vous aimez la Fornarina, il faut que je renonce à tout ce bonheur, il faut que je vive sans espoir et que je meure sans consolation. » Et elle avait saisi la main de Raphaël, qu'elle pressait avec violence contre son cœur. Mais Raphaël ne l'écoutait plus. Il venait de reconnaître la femme qu'il avait rencontrée chez Mama Lucia, et sans ajouter une parole, sans la regarder, s'élançant hors de ce palais comme un furieux, il courut tout d'une traite jusqu'à la maison de la rue du Bourgneuf. Antonia Vanozza était évanouie dans son boudoir, devant un portrait qui ne devait jamais être achevé.